Vous êtes sur FPP 106.3, la jungle des luttes, le programme mensuel tous les troisièmes lundis du mois du CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Aujourd'hui, on va pas parler du Mexique, comme ça nous arrive souvent, puisque la jungle des luttes, c'est aussi l'idée de pouvoir accueillir des personnes qui ont des horizons de lutte à nous faire partager différents. Donc voilà, ça peut être en Amérique, en France, en Afrique. Et donc aujourd'hui, on va être un petit peu centré sur ce qui nous arrive rarement, nous, les urbains, sur le milieu rural, un petit peu les paysans en France, dans le sud ou en Bretagne, justement, avec Atanka, qui est une coopérative qui distribue des produits bio et paysans. On en parlera donc longuement tout à l'heure pour un petit peu voir ce qu'est la proposition d'Atanka et d'expliquer un petit peu pourquoi ils sont là avec nous aujourd'hui. Donc si tout va bien, on aura un copain qui devrait arriver pour nous parler. Il voulait parler un petit peu de la situation à Montreuil. Donc on verra ça avec lui s'il arrive. Et sur les 10 dernières minutes, on aura les trois passants qui sont souvent présents avec nous par des petites capsules qu'ils préparent et qui sont en général axés sur la question des prisonniers politiques au Mexique. Et donc là, ils nous donneront des petites nouvelles de ce qu'il en est des prisonniers politiques de l'Ossitia et de la Voz de la Mate. Donc on va comme toujours faire une petite pause musicale avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc on est ensemble pour une heure et demie. Et donc pause musicale, à tout de suite. On a supple side, got a bigger, big desire. I want a world set on fire. Beautiful song, song, buzzing in my head. Last time I saw the light was just a little love light shine, and it was burning down your eyes. So unsteady, drive me blind. Tonight, tonight, it's a long, long night. Tonight, tonight, it's a long, long night. Tonight, tonight, I'm feeling just a little worse. Feel just a little worse than you. May this be my swan song cry. May this be the last goodbye. It's a too dark night, yeah, too dark night. Till she stole the light. Tonight, tonight, it's a long, long night. Tonight, tonight, it's a long, long night. Tonight, tonight, feeling just a little worse. Feel just a little worse than this. I got a big, big desire. I want a world set on fire. Beat, beat of a song, song, a buzzing in my head. Feel like a bomb, don't listen to the beat, beat, beat of a song, song, a buzzing in my head. Want a world set on fire. Tonight, tonight, it's a long, long night. Tonight, tonight, it's a long, long night. Tonight, tonight, I'm feeling just a little worse. Feeling just a little worse than you. Tonight, tonight, it's a long, long night. Tonight, tonight, it's a long, long night. Tonight, tonight, I'm feeling just a little worse. Feel just a little worse than this. It's a long, long night. It's a long, long night. Feeling just a little worse. Feel just a little worse than this. I I got a big, big desire. I want the world set on fire. The song, song, compressing your body. Head like a bone dome. Listen to the beat, beat, beat of the song, song, compressing your body. Tonight, tonight, it's a long, long night. Tonight, tonight, it's a long, long night. Tonight, tonight, I'm feeling just a little worse. Feeling just a little worse. Then beat, beat, beat of the song, song, compressing your body. It's a long, long night, tonight, tonight. It's a long, long night, tonight, tonight. I'm feeling just a little worse. Feeling just a little worse. I got a big, big desire. I want a world set on fire. I want a world set on fire. FPP, la jungle des luttes. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'émission mensuelle du CSPCL. Donc, on est ensemble au mois de juillet. On sera pas là au mois d'août. Donc, on se retrouvera en septembre. Et d'ici là, donc, on est aujourd'hui avec la coopérative Atanka, donc avec Philippe et Olivia, qui ont monté cette coopérative il y a pas si longtemps que ça. On aura des précisions tout à l'heure avec. Ça fait 2 ans, 3 ans, ça fait au moins 2-3 ans. 2 ans. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, une coopérative qui a été montée il y a 2 ans. Et donc, il y en a sans doute qui ont déjà rencontré Atanka. Si vous êtes venu au marché solidaire ou aux journées de distribution de café qu'on fait au CICP, vous avez peut-être eu l'occasion de les voir. L'occasion aussi de goûter peut-être leur boisson, puisque le collectif Contre-Culture s'approvisionne depuis quelques temps. À Atanka pour le vin et les jus de fruits, ou bien quand on organise des rôtisseries, c'est devenu un petit peu notre épicerie pour les boissons. Donc on est content de les avoir avec nous, et aussi surtout content de pouvoir parler du monde paysan en France, d'un certain nombre de difficultés et aussi de ces paysans qui résistent, qu'on entend en général peu. Et puisqu'on entend parler des gros paysans qui revendiquent à l'Europe, ce qui est normal puisque le tissu rural s'est complètement détérioré, notamment par rapport aux normes européennes et aux logiques, aux politiques, etc. Mais donc il y a des petits paysans qu'on n'entend pas et qui, à travers leurs produits et à Atanka, arrivent jusqu'à nous ici à Paris. Donc je vais laisser Philippe nous parler un petit peu de comment ça s'est monté, ce projet, pourquoi, comment, etc. À toi, Philippe. Bonjour. Donc Atanka, c'est effectivement né il y a 2 ans, mais ça a germé, on va dire, il y a 3 ans et demi. D'abord, dans nos têtes, on avait envie de faire quelque chose, mais on ne savait pas trop quoi. Un peu inspiré, notamment, c'est aussi pour ça qu'on est là, par les idées apatistes, en disant militer c'est bien, mais il faut aussi faire quelque chose, construire le monde autrement comme on a envie de le faire. Et puis on a, nous, bien, bien urbains et bien habitués au béton et à la ville, on a aussi envie d'aller à la campagne. Donc c'est des rencontres qu'on a pu faire à l'occasion de déplacements en vacances notamment, avec différents producteurs, où on s'est un peu liés d'amitié, puis on a discuté avec eux de leurs envies aussi à eux, qu'est-ce qu'ils attendaient aussi des urbains. Et c'était quelque chose qui est venu de discussion avec plusieurs de ces producteurs, de dire, nous on a un des problèmes de débouchés, ça paraît paradoxal, mais ils ont du mal à trouver des clients pour des produits un peu différents. Mais ils avaient aussi besoin de débouchés qui ne soient pas uniquement des canaux commerciaux, mais aussi des gens qui soient capables de relayer leur lutte, de comprendre leurs problèmes et de parler avec eux de leurs problèmes, mais aussi avec les consommateurs de leurs problèmes. C'est justement ce que j'ai oublié. J'avais dit que j'introduirais Atanka, de pourquoi Atanka avec nous, justement sur la question justement du bio, puisque on a les grandes industries qui font maintenant du bio. On trouve des gammes de produits. De plus en plus de gammes de produits bio sur le marché. Donc justement, il y a des petits producteurs paysans qui n'ont pas forcément le label, mais qui ont des produits à distribuer. Voilà, le bio, c'est effectivement ce label qui ne veut plus dire grand-chose depuis janvier 2009, puisque la norme européenne s'est imposée, et elle est beaucoup plus permissive que ne l'était la norme française avant. Donc le logo AB restait le même, mais il a complètement changé de signification. Il est devenu maintenant la façade française d'une norme européenne qui est beaucoup plus souple, ce qui permet effectivement aux supermarchés, aux grandes distributions, de distribuer des produits bio qui sont concrètement produits dans des conditions qui ne sont pas bio du tout, quoi. Et les producteurs avec lesquels on travaille sont des producteurs qui font du bio, on va dire, vraiment bio, à la fois dans les conditions agricoles de production, donc ils n'utilisent pas de produits de synthèse, ils utilisent des techniques innovantes qui respectent les sols, mais aussi des conditions sociales de production qui soient décentes, et ça c'est très important, parce que le bio qu'on trouve dans les supermarchés, il peut être produit aussi en Espagne, dans des conditions atroces, avec des immigrés marocains qui vivent sur place dans des conditions déplorables. Donc il y a aussi un prolétariat du bio de supermarché, et c'est de ça aussi qu'on essaye de se démarquer très nettement. Ouais, c'est pour ça qu'il y a la mention bio et paysan, du coup, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas la mention bio, s'il n'y a pas la mention paysan, bio, du coup, ça... Parce qu'on sur un plan strictement juridique, on ne peut utiliser la mention bio que quand on a le label bio. Et donc nous, c'est bio et paysan, parce qu'il y en a qui sont paysans, qui sont plus bio que bio, on va dire, mais qui n'ont pas ce label officiel. Ouais, c'est ça qui est intéressant, de la même façon que justement le café Zapatis qui justement, pour une partie des coopératives, ça on a déjà eu l'occasion d'en parler, les auditeurs ont peut-être eu l'occasion de l'entendre, mais donc justement sur la stratégie des Zapatis, c'est effectivement ils sont dans un processus de production écologique et donc qui mérite un label bio si on peut dire, si ce n'est que du coup la labellisation ça a un coût. Faut un temps, puis ça a un coût aussi. Et ce qui était intéressant aussi de remarquer avec les Zapatis, c'était que du coup, une partie des coopératives sont rentrées dans le processus de labellisation et d'autres coopératives ont décidé, elles, de créer un propre processus de vérification. C'est-à-dire que les producteurs, entre eux, une auto-certification, c'est des démarches qu'on retrouve aussi en France. Puisqu'on a des labels qui fonctionnent de cette façon-là, notamment Nature et Progrès, qui est l'un des plus anciens, qui est vraiment à l'origine de la bio en France. Et Nature et Progrès est dans une démarche, justement, de coopération pour la certification. C'est-à-dire que ce n'est pas un organisme d'en haut qui pilote complètement. C'est une implication locale, région par région, des consommateurs, des producteurs, qui font des visites localement et qui font une certification collaborative, coopérative, entre consommateurs et producteurs directement. Et donc justement, vous, a priori, vous distribuez uniquement donc, des produits en France, évidemment, hormis donc le café Zapatis, justement. Voilà, le café qui est pour nous un peu un produit, notre produit le plus politisé, on va dire, que l'on distribue effectivement sans prendre de marge. Et c'est notre façon à nous de soutenir l'innovation politique que représentent les coopératives zapatistes et qui nous semble essentielle. Donc justement, pour ceux qui veulent du café zapatiste, vous avez la permanence du mercredi de 16h à 20h au CICP 21 Terre rue Voltaire dans le 11e. Mais sinon, la possibilité donc, de passer par Atanka qui donc, distribue ce café. Donc si jamais... vous voulez du café sans passer par nous, il y aura le même résultat à passer par Atanka, puisqu'ils nous l'achètent au même prix, les bénéfices seront reversés de la même façon. Le modèle économique est avec inchangé. C'est ça, puisque en fait, sinon le café Zapatis, on peut le trouver éventuellement dans d'autres lieux qui se font une petite marge forcément pour s'y retrouver. Et donc, on en profite pour vous remercier justement. Voilà. Et peut-être que tu peux en profiter pour... parler justement de tout à coup j'ai un trou du processus en fait, parce que du coup je disais vous en procurez via Atanka, donc Atanka c'est pas une boutique, c'est pas un magasin, c'est pas voilà. Mais sur internet, c'est à dire qu'effectivement on peut commander en ligne directement sur le site internet, donc c'est atanka.com, atanka.com, et sur ce site, donc avec sa carte bleue comme sur un site de vente en ligne habituel, on peut commander, on crée son compte, on commande et ensuite on est livré. Soit on vient chercher directement dans nos locaux parisiens, on est porte de Vincennes à Paris, soit on est livré par la poste. Donc on expédie les colis de produits, que ce soit le café ou les autres produits. Le vin, qui est très bon, effectivement, que vous consommez régulièrement dans vos événements. Trop régulièrement. Mais aussi tous les produits d'épicerie, donc farine, huile. Il y a confiture. Aussi des bonnes bières. La bonne bière de San José, qui est très bonne. Donc, on sait qu'il y a la bière des faucheurs, donc on ne veut pas non plus prendre le marché à la bière des faucheurs. Mais bon, il faut varier les... Ouais, voilà, faut varier les plaisirs quand même. Puis, il y a aussi la possibilité de... Pour ceux qui n'ont pas de carte bleue, ce qui est rare, ou ceux qui craignent les paiements, bien que ça soit il y a la possibilité de payer pas. En chèque. Voilà. Donc, si vous voulez des produits bio, donc Atanka, Atanka.com. Bio, paysan et engagé, puisque ça, c'est un autre point important, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Les paysans avec lesquels on travaille sont des paysans qui sont aussi engagés dans les combats des paysans pour une autre agriculture, d'autres façons de travailler, d'autres façons de produire, de respecter les sols et aussi le consommateur. Donc du coup, il y a combien de produits ? Il y a presque 200 produits avec... Aujourd'hui, on a près de 200 produits avec une trentaine de producteurs qui sont présents dans 5 ou 6 régions qui couvrent un peu toute la France. On a le Grand Sud-Ouest, on va dire, avec l'Hérault, le Tarn, les Pyrénées-Orientales. On a... la Bretagne, si on remonte, la Normandie, si on continue la boucle, on a ensuite le Mâconnais, la région de Mâcon, avec Beaujolais et Bourgogne, pour le vin notamment, mais pas que, il y a aussi le producteur de farine, de terrine, de miel qui sont dans cette région. Et si on reboucle, on va jusque dans les Alpes de Haute-Provence, où il y a notamment un producteur de produits à base de légumes anciens, tomates et autres, et un producteur de jus de poire, qui pour nous a une valeur quasi sentimentale, puisqu'en fait c'est le premier produit que nous avons distribué, puisque c'est un petit peu l'étincelle qui a permis de démarrer Atanka. Cette idée germait, on avait des discussions avec tous ces producteurs, et puis un jour dans un petit journal qui s'appelle L'Âge de Fer, qui relaye un petit peu toutes les initiatives très concrètes qui peuvent se faire de gens qui construisent le monde autrement en France, notamment, il y avait un appel au secours de ce producteur disant « Voilà, moi, je produis du jus de poire dans mes petites vallées, là, et j'arrive pas à écouler ma production. » Donc on s'est dit « Bah, ça tombe bien, justement, on avait des idées de faire ça. » Donc on a lancé une commande groupée de jus de poire dans le réseau des copains, des amis d'amis ici à Paris. Et assez rapidement, on a réussi à pouvoir lui faire une commande de plusieurs centaines et de cartons. Et justement, il n'y a plus de jus de poire maintenant que tout le monde en veut. Et voilà. Et donc, on a créé une dépendance. Et c'est très dur parce que cette année, effectivement, il n'y a pas eu de jus de poire parce que c'est une production assez cyclique. C'est plutôt une année sur deux, une bonne année, une mauvaise année. Cette année, c'est la mauvaise année. Donc, il n'y avait quasiment pas de jus de poire et on n'a pas pu en distribuer. Mais il y en aura à l'automne, là. Il revient. Donc je précise que quand même, bon, donc sur ces 200 produits, il y a bon, farine, vin, alcool, bon, tout ça on en a parlé, des confitures, des miels, du pain d'épices, tout un tas de choses, sauf des produits frais, je précise. Voilà, il n'y a aucun produit frais, parce que les produits frais, ça pose d'autres problématiques de transport, de conservation, qui sont beaucoup plus compliquées, contraignantes et coûteuses. Et pour les produits frais, les meilleures solutions, c'est de s'approvisionner de façon très très locale ou via des AMAP ou des structures de ce type-là. On peut comparer un peu à Atanka, une espèce d'AMAP sur Internet pour de l'épicerie, quoi, pour des produits non frais. Puisque du coup, l'idée, c'est quand même de supprimer donc, justement les intermédiaires, puisque donc, entre le consommateur et le producteur, il y a vous. Il n'y a que nous. Et le transporteur bon, bah, qui du coup a un coût. Et donc bah, vous qui du coup, on peut le préciser, ne gagnez pas. Vous pas ne gagnez encore pas encore d'argent, mais on dit. On compte bien que ça vienne un jour. Donc, si jamais on veut éventuellement que Philippe Olivia ait un salaire pour pouvoir passer à autre chose et lâcher le travail, comme on est tous obligés de travailler, voilà, c'est une question de volume après, forcément. Exactement. Ça, le projet a vocation quand même à être pérenne et rentable. Donc, on investit beaucoup dedans, de temps, un peu d'argent. Et il sera rentable à partir du moment où on aura atteint un certain volume de vente. Donc ça vient, ça grandit petit à petit, on fait des différentes initiatives pour se faire connaître. On a aujourd'hui à peu près 400 clients réguliers qui sont dans toute la France, une petite moitié seulement en région parisienne et le reste dans un peu toutes les régions. Donc, ben, c'est un peu ce qui arrive aussi avec le café, d'ailleurs. Enfin, je pensais à ça parce que, du coup, il y a une grande partie, et ça, c'est difficile de le résoudre, une grande partie donc, où on passe par des transporteurs. Enfin, nous, on est là à Paris et puis on envoie du café un peu partout en France. Et donc, bon, il y a des transporteurs. Puis parfois, il y a des colis plus petits par lesquels on ne passe pas par un transporteur. Donc, c'est des colis à faire. Donc, ceux qui sont en région parisienne, il faut absolument quand même qu'ils essayent de se déplacer au maximum. Voilà. Et pour éviter... Ils le font, ils viennent ouais, chercher voilà, c'est chez ça, nous. C'est... Du coup, ça crée aussi un petit peu de lien plutôt qu'être aussi exactement. Toujours ça, qu'avec c'est la un... machine. C'est... Un autre aspect très intéressant, c'est qu'à travers un projet de ce type-là, forcément, on touche des gens qui sont un petit peu sensibles à ces questions-là, aux questions de lutte, aux questions d'alternatives, que ce soit dans les modèles agricoles ou dans les modèles économiques ou dans les circuits de distribution. Et à Tanka, c'est aussi l'occasion de se rencontrer entre tous ces gens-là. Donc, que ce soit à l'occasion d'une distribution de produits, de la venue d'un producteur, parce que parfois, ils viennent nous voir à Paris, c'est assez rare, ils n'aiment pas monter à la capitale, ils n'aiment pas le béton, donc ils se font tirer les oreilles pour venir. De temps en temps, il y en a un qui arrive à venir. Et là, c'est l'occasion de le rencontrer. Et c'est toujours des rencontres extrêmement passionnantes, avec ou sans le producteur, mais déjà entre les consommateurs qui font partie du réseau Atanka. C'est extrêmement intéressant. Donc nous, on organise soit des projections ou des dégustations, et ces rencontres permettent aux gens d'échanger leur expérience, leurs avis, leur éclairage, et c'est très enrichissant pour tout le monde. On va faire une petite pause musicale, et puis on va peut-être ensuite parler en concret de ces paysans, de ce qu'ils vivent, volontiers. De ce qu'ils souffrent, de ce qu'ils luttent, musique. sangre y somos un solo cuerpo. Somos un corazón que sigue latiendo. Somos una sangre y somos un solo cuerpo. Somos un corazón que sigue latiendo. Somos una sangre y somos un solo cuerpo. Somos un corazón que sigue latiendo. Somos una sangre y somos un solo cuerpo. Somos un corazón que sigue. Jah give it to us, unification. No difference, brother, man, soul. My love. So keep on moving, moving your soul. Feeling iron now. So high. Local mighty. One heart. Putting groovy now. One God. Local mighty now. One blood. No difference, brother, man, soul. One love. So keep on moving, moving your soul. Feeling iron now. So high. Local mighty. FPP, la jungle des luttes. Donc on continue avec Atanka, la coopérative qui distribue des produits bio et paysans. Donc on a un petit peu décrit la coopérative, le fonctionnement, les types de produits. Et puis peut-être qu'on peut maintenant, donc, comme on le disait, parler des producteurs et qui donc, eux, à leur niveau, résistent face à la grande industrialisation, mais pas seulement. Puisqu'ils sont paysans, il y a aussi la question de la terre, le problème de la terre, qu'on retrouve aussi, pas qu'au Mexique, en Amérique latine, mais donc en France aussi. Effectivement, les paysans, ils sont, les paysans français, entre autres, ils sont vraiment en première ligne sur le front des luttes, notamment contre l'Union européenne, et c'est dans les campagnes françaises, on parle de la jungle des luttes, mais c'est dans la jungle française. On se rend compte que l'Union européenne, c'est vraiment une machine de guerre contre les peuples, contre les gens. Et cette machine de guerre, elle est au service de l'industrie, notamment de l'agro-industrie du domaine de l'agroalimentaire. Et elle est là pour imposer des normes, pour imposer des modes de fonctionnement qui sont complètement à l'opposé de ce que souhaite développer toute cette petite paysannerie. Et on a plusieurs luttes, oui. Ouais, puis en concret, il manque de terre aussi, puisque en fait, alors, c'est quand même. Il y a le problème de l'accès à la terre, là, qui n'est pas vraiment du fait de l'Union européenne, mais qui est effectivement un effet indirect, qui est la concentration des terres. Et cette concentration, elle est complètement favorisée par les structures publiques qui gèrent le foncier agricole en France, notamment les SAFER, donc les organismes qui ont le droit de préempter sur toutes les opérations immobilières qui concernent des terres agricoles. Et qui effectivement favorise le regroupement de grosses exploitations. Et nous, on rencontre assez régulièrement des petits producteurs, dont certains qui ont des grosses difficultés pour pouvoir s'installer, pouvoir vivre à l'endroit où ils travaillent. Paradoxalement, c'est un problème qu'on ne perçoit pas quand on est urbain, mais aujourd'hui, ils ont des terres éparpillées. Voilà, et surtout partout. Pour pouvoir se loger à côté des terres qu'ils travaillent, c'est très compliqué pour qu'ils s'installent. Le mythe de la petite ferme au milieu des champs, c'est vraiment un mythe. Pour les jeunes producteurs qui veulent s'installer en maraîchage, trouver des terres accessibles, à un prix accessible et pouvoir se loger pas trop loin, c'est très compliqué. C'est quelque chose qui n'a rien d'évident. Souvent, les zones agricoles, en plus, en général, on a des... Enfin, je ne sais pas si c'est un rapport à ça, mais il y a des difficultés pour construire. En général, ce n'est pas constructible dans les zones agricoles, en fait, en plus, déjà. Aussi. Oui, enfin, le droit de la construction est différent pour les agriculteurs. C'est-à-dire, eux ont quand même, quand ils sont sur leur exploitation, la possibilité de construire beaucoup plus facilement que un agriculteur. Quoi. Ouais. Voilà. Alors après, cette Union européenne et ces luttes qu'on peut avoir, donc il y a ce problème de l'accès à la terre, mais ça peut prendre des formes extrêmement différentes. Mais le point commun, c'est toujours la même chose, c'est d'essayer de leur imposer des modes de fonctionnement qui les poussent soit à être économiquement non viables, soit à quitter leur technique, leurs habitudes, leur mode de fonctionnement, soit à grossir, forcément. Donc pourquoi on les oblige à grossir ? Parce qu'on leur impose des choses qui nécessitent des investissements. On les oblige à investir, à emprunter au Crédit Agricole. Et, investir dans quoi ? Dans des machines, dans des produits, dans des équipements. On prend un exemple. On connaît une productrice qui fait du fromage de chèvre. Elle produit ses fromages de chèvre dans sa chèvrerie et dans sa fromagerie depuis des années et des années. Cette fromagerie, ce sont des anciennes cuves à vin. Et à l'intérieur des cuves à vin, il y a la fromagerie, donc c'est un endroit magnifique. Il y a ces cuves, on rentre là-dedans, on a l'impression de rentrer presque dans un ventre, c'est vraiment extraordinaire. Et elle fait son fromage là-dedans, et ce fromage a une saveur, un goût très particulier, parce qu'il y a notamment, je pense que c'est des petits champignons, du vin qui sont restés là, et qui donnent ce goût à ce fromage. Et en fait, les services vétérinaires sont passés, on dit « Ouh là là, ça c'est très très mal, il faut absolument du beau carrelage blanc partout !» Et donc elle a été obligée de carreler entièrement l'intérieur de ses cuves à vin. Et maintenant, elle se retrouve avec un fromage bon, qui est toujours aussi bon quand même, mais il n'y a pas peut-être exactement le même petit goût qu'avant. Il est toujours très bon. Mais surtout, un, ça lui a coûté cher, et deux... elle se retrouve complètement embêtée constamment par de la moisissure. Parce qu'avant, on avait un système qui respirait, qui était équilibré, qui fonctionnait très bien. Et là, dans cette espèce de machin clos, cette espèce de chambre totalement aseptisée qu'on a faite, et ben, en fait, ça vit plus, ça respire plus. Et il y a de la moisissure qui naît toute seule dès qu'il y a une moindre giclée d'eau. Donc, on passe son temps à essuyer, à nettoyer, etc. C'est beaucoup plus contraignant, beaucoup plus lourd, donc il va beaucoup moins pratique, dans une clim. Ça passe du temps, etc. Enfin bon, il y a ça, il y en a certains aussi, sur les marchés on les oblige à avoir absolument des étals réfrigérés ou fermés, c'est des investissements très lourds, enfin, il y a plein de petites contraintes comme ça qui leur sont imposées et qui sont le contraire de leur pratique et qui n'ont d'autres finalités, finalement, sous couvert de protection du consommateur et de l'hygiène, en fait, de leur imposer des règles de fonctionnement qui sont coûteuses et qui les obligent à avoir des logiques beaucoup plus financières. Et du coup, il y a aussi, sur les productions, là, on parlait de la terre, des productions maraîchères, etc., du fromage. Il y a aussi la question de la production de la viande, ouais, qui est aussi quand même... Et là, on a eu, sur tout ce qui est production viande, une grosse lutte dans laquelle la Tanka s'est impliquée à la demande de producteurs, d'éleveurs, qui nous ont contactés, ça c'était fin 2009, parce que l'État les obligeait à vacciner leurs troupeaux contre une maladie qui s'appelle la FCO, la fièvre catarrhale ovine, qu'on appelle aussi parfois la maladie de la langue bleue, qui est une maladie qui n'est absolument pas nocive pour l'homme, c'est le ministère de l'Agriculture lui-même qui le dit, et qui est effectivement un peu nocive pour les troupeaux, surtout pour les troupeaux qui ne sont pas en très bonne santé ou qui sont un peu fragilisés en fonction des pratiques agricoles, et qui peut entraîner jusqu'à la mort pour les bêtes qui sont touchées. Et qu'est-ce qui s'est passé ? L'État a dit... Bon, cette maladie arrive, nous allons vacciner. Et on va lancer une campagne de vaccination de l'ensemble du cheptel français. Sauf que cette vaccination, elle est extrêmement contestée par beaucoup d'éleveurs, notamment des éleveurs bio, mais pas uniquement des éleveurs bio. Et elle est contestée pour plein de raisons. La première raison, c'est qu'elle n'est pas très efficace. Elle ne donne qu'une protection pendant 6 à 12 mois. Après, il faut recommencer. Il y a une deuxième raison, c'est pour les consommateurs, parce qu'en fait, les vaccins contiennent des adjuvants qui se retrouvent dans la viande, donc des sels d'aluminium, des choses comme ça, enfin des choses qui sont très nocives pour la santé. Et puis, surtout, ce que disent tous ces éleveurs, c'est qu'ils peuvent faire sans. Ils n'ont pas besoin de cette vaccination qu'on leur impose, qui a des impacts sanitaires lourds sur les troupeaux, c'est-à-dire que les bêtes tombent plus malades finalement du vaccin que de la FCO. On a rencontré des éleveurs, je pense dans le Tarn notamment, qui nous racontent des avortements de brebis, des mâles qui deviennent stériles, enfin bon, des gros problèmes, des grosses conséquences sanitaires pour les troupeaux liés directement au vaccin. Et en fait, eux, ils disent, nous, on sait faire autrement. On s'est développé l'immunité naturelle des bêtes avec nos pratiques d'élevage. Et en s'appuyant sur cette immunité naturelle, on arrive à complètement protéger nos troupeaux. Donc, pourquoi vous nous imposez ça ? Et, alors, il y a plusieurs raisons possibles. On peut penser notamment que c'est encore un de plus, un petit cadeau pour l'industrie pharmaceutique, oui, puisque cette campagne a coûté quand même 98 millions d'euros par an de vaccination obligatoire. Donc là, a priori, tous les paysans qui ont des bêtes, c'est sur les bovins. Jusque 2010, ça a été obligatoire et il y a eu donc une lutte extrêmement forte à laquelle on a pris part à la demande de plusieurs éleveurs qui nous ont dit « il faut nous aider ». Alors comment on pouvait les aider ? On a fait une pétition. Alors non, on n'est pas pour les pétitions, juste on clique, et si ça ne sert à rien derrière, si concrètement il n'y a pas une utilisation de cette pétition, ça ne peut pas être réellement efficace. Enfin, on se fait plaisir, mais bon. Donc là, l'idée, c'était la suivante. Il va y avoir, et il y a eu beaucoup de procès de l'État contre les éleveurs qui s'opposaient à cette vaccination. Ils disaient « moi, je ne vaccine pas ». D'accord, tribunal administratif, procès, amende, très lourde. Il y a eu aussi des menaces d'emprisonnement. Enfin bon, ça a été quelque chose de très, très chaud là, qui se passait dans nos campagnes. Dont on n'a pas du tout entendu parler, vraiment. Dont le public n'a absolument pas entendu parler. Qui a eu des conséquences sur le public aussi indirectes, puisque comme cette maladie, elle se transmet par un petit moucheron, en plus de faire de la vaccination 98 millions d'euros, on a fait un autre cadeau à l'agrochimie, c'est qu'on a fait des épandages d'insecticides massifs sur des régions entières pour tuer tous les moucherons. C'était un truc, on s'est dit, c'est transmis par les moucherons, on va tuer les moucherons. Voilà, donc il y avait des avions qui passaient et qui épandaient des insecticides pour tuer les moucherons. Ça n'a pas marché, bien sûr, mais bon, ça a pollué beaucoup l'environnement, tué des abeilles, enfin bon, ça c'est un autre problème. Et donc, la lutte qu'on a menée, ça a été de pouvoir aider les producteurs lors des procès au tribunal à produire des témoignages de consommateurs qui disaient « moi, je ne veux pas manger de viande contenant ces adjuvants et ce vaccin, c'est pas bon pour ma santé, je ne l'achèterai pas ». Ce qui permettait de développer une argumentation économique dans ces procès pour dire « nous voulons une dérogation économique pour ne pas avoir l'obligation de vacciner dans notre élevage, parce que si nous vaccinons, nos clients n'achèteront plus notre viande ». Donc l'économique plus fort que l'éthique, hein, voilà. Quand même, au cas où. Et donc, ça a effectivement permis d'obtenir des non-lieux, des abandons de poursuite. Donc, ça a été vraiment efficace. D'autant plus que, alors pas uniquement grâce à Tanka, on n'est pas tout puissant à ce point. Il y a eu beaucoup de mobilisation, notamment des producteurs dans différentes régions. Il y avait des collectifs au niveau national. Et toute cette mobilisation du terrain et des consommateurs à travers notre pétition, et aussi des collectifs de vétérinaires, ce qu'on appelle le GIE Zone Verte, qui a relayé aussi notre pétition, a permis d'avoir une victoire. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis 2011, la vaccination FCO n'est plus obligatoire. Donc ça peut marcher, la lutte, ça peut être victorieux. C'est ça, il faut continuer, on continue le combat. Donc ça, du coup, ça, c'est sur la question des vaccinations, mais il y a aussi la difficulté, parce que l'autre fois, quand on était justement en train de discuter sur les produits bretons, où justement, il y avait des producteurs qui produisent de la volaille, et donc on abordait la question de la vaccination, puisque ça, du coup, ça reste le problème d'avoir des bêtes non vaccinées. Ouais. Puisqu'au départ, quand ils naissent, on leur injecte direct le vaccin. Du coup, tu as déjà pourri la bête avant même qu'elle ait vécu. Voilà. Alors, il n'y a pas une opposition absolue au vaccin. C'est-à-dire que les vaccins sont utiles parfois. Il y a des vaccins qui sont utiles. Il y a des producteurs qui sont d'accord et qui disent faites effectivement au niveau national des campagnes de vaccination. Mais quand nous, producteurs, on les demande, parce que nous, c'est notre métier, il faudra peut-être nous écouter, et on sait de quoi on parle, on sait quelles sont les pratiques dans nos élevages, et plutôt que de mettre de l'argent sur des campagnes de vaccination qui ne servent à rien, faites-les quand ça sert à quelque chose, et surtout cet argent, mettez-le pour financer de la recherche qui aille dans le sens justement d'une agriculture plus naturelle, plus respectueuse des sols, plus respectueuse du consommateur qui va consommer derrière les produits. Et c'est une autre chose aussi qui est beaucoup dénoncée par ces agriculteurs, c'est que toute la recherche publique en France est très, très orientée en faveur de l'agro-business, on va dire, ouais, c'est-à-dire d'un certain type d'agriculture. Et tous ces petits producteurs que l'on connaît, que l'on rencontre, avec lesquels on discute, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, c'est eux-mêmes qui font leurs propres recherches. C'est des chercheurs, très concrètement. Ils essayent, ils testent, ils font des essais de culture de telle façon, de telle autre. Et tout ça, c'est un travail qu'ils font eux-mêmes, auquel ils doivent consacrer du temps, auquel ils doivent consacrer une partie de leur terre, sur lesquelles ils vont faire des essais de techniques agricoles X ou Y. Et c'est un vrai travail de chercheur. Donc c'est des gens absolument passionnants qu'on peut passer des heures à écouter, qui peuvent raconter justement toute leur passion pour la terre, comment ils écoutent leur sol, leurs plantes, et qui regardent comment ça fonctionne. Et ils sont absolument pas soutenus dans ce travail, et c'est vraiment dommage. Oui, parce qu'en plus, là, il y en a qui font des recherches, parce qu'il y a des horizons différents là, sur les producteurs que vous rencontrez. Il y en a qui sont jeunes, donc qui ont fait d'autres choses et qui se sont installés récemment, d'autres qui ont sans doute été de tradition paysanne. Il y a des profils assez variés, ouais. Effectivement. On a certains qui ont toujours été dans cette même logique, notamment... Il y a un domaine viticole, le domaine du Pêche-Landré, pour ne pas le citer. Ça fait 300 ans que c'est dans la même famille, ils n'ont jamais traité. Il y a une espèce de tradition sur les techniques qu'ils mettent en œuvre. Et puis, il y en a d'autres, ils étaient sur du classique, on va dire, du conventionnel. Et puis, ils ont vu la lumière tout d'un coup. Ils se sont dit, mais il faut qu'on arrête de faire comme ça. On empoisonne notre sol, on empoisonne nos consommateurs. Et tout d'un coup, ils sont passés du jour au lendemain à d'autres techniques de production et ils sont devenus pires que les autres, d'ailleurs, des vrais ayatollahs du bio. Enfin, c'est assez intéressant de voir ces parcours qui sont très différents. Et après, c'est des gens qui se parlent et qui échangent leurs pratiques, leurs avis, leurs expériences et qui font un bout de chemin ensemble en partant d'horizons très divers, effectivement. Et donc, justement, si on regarde sur le site d'Atanka, vous avez des petites fiches, il me semble, non, sur les producteurs. Voilà, on présente chaque producteur, on raconte un peu... où il en est, ce qu'il a fait, quel est un peu son parcours. Et puis on essaye aussi d'informer à travers une petite lettre d'information récurrente qui sort par mail à peu près tous les, on va dire, 10-15 jours, donner des informations sur les producteurs, sur les produits, sur les luttes éventuelles. Voilà. Donc il y a la possibilité d'aller éventuellement à la rencontre de ces paysans si on est dans le coin en vacances. Il y en a qui font accueil paysan aussi, non ? Oui, il y en a effectivement certains qui accueillent les touristes de passage, soit pour visiter l'exploitation ou pour séjourner. Alors pas tous, hein, ils ne sont pas tous organisés comme ça. Si vous voulez, vous regardez sur le site, vous voyez un petit peu les producteurs et puis contactez-nous par mail ou par téléphone. Si vous voulez qu'on vous mette en contact avec certains de ces producteurs, ils seront ravis de vous recevoir. Donc c'est atanka.com, hein, je le répète, pour ceux qui n'étaient pas là au début de la mission, A-T-A-N-K-A, atanka.com. Juste, peut-être on parle, puisqu'on parlait pas mal de sécheresse là, cet été. Enfin, ouais, non, ce matin, on a eu de la pluie hier, avant-hier, mais bon, il y a eu l'époque de sécheresse, et donc on parlait justement de l'invention... ou de la recherche de ces paysans chercheurs. Il y avait justement, on parlait des innovations ou des procédés qu'ils avaient pour lutter contre la sécheresse. Peut-être tu peux nous dire trois mots ou c'est trop compliqué Non, enfin, c'est vrai que c'est intéressant de voir que ces gens-là, à travers les pratiques qu'ils développent, finalement, il y a moins d'eau et tout le monde peut en souffrir, mais eux en souffrent moins parce que finalement, ils se protègent avec des techniques agricoles naturel. On peut prendre deux ou trois exemples très simples. Le premier, c'est de couvrir le sol, c'est-à-dire ces grands champs de terre toutes nues, soigneusement labourés et hercés, c'est en fait une aberration pour ces paysans-là. Le sol doit être couvert. S'il n'est pas couvert, on perd énormément d'eau par de l'évaporation. Donc eux, le sol est toujours couvert. Donc il y a toujours... une plante qui pousse ou une plante qui est là juste pour protéger l'autre qui est en train de germer en dessous. Donc c'est ce qu'on appelle les techniques de semis sous couvert, de façon à ce que la terre ne soit jamais à nu. Donc il n'y a pas d'évaporation et de perte par évaporation qui est une grosse perte d'eau. C'est un premier exemple. Un deuxième exemple qui là peut paraître beaucoup plus iconoclaste pour nous urbains qui sommes habitués à ces images de... gros tracteurs et de charrues retournant profondément le sol. Ah, mais en fait, c'est... dans l'écolo, c'est pas ça qu'il faut faire. Bon, et ben ça, c'est une aberration parce que quand on retourne un sol, en fait, le sol, tout en haut du sol, il y a des petites bêtes qui aiment bien être près de la lumière et avoir de l'air. Profondément dans le sol, il y a des petites bêtes qui aiment bien être bien tranquilles dans le noir à l'abri de la lumière et de l'air. Et quand on retourne le sol, on tue tout le monde. C'est-à-dire, celle qui aime bien être à l'air, elle se retrouve tout au fond dans le noir. Celle qui aime bien être dans le noir, elle se retrouve à l'air, elle meurt. Et donc, on tue son sol. Mmh. On tue le sol en le labourant. Ça devient un support minéral. Et ce support minéral, il est du coup beaucoup moins riche en humus. Et il retient beaucoup moins d'eau. Ouais. Et donc, l'eau sur un sol qui a été complètement minéralisé par trop de labour, elle n'est pas retenue. Soit elle ruisselle, soit elle s'enfonce et puis elle s'en va. Alors que sur des sols beaucoup plus vivants, qui n'ont pas été labourés de cette façon-là, qui ne sont pas labourés du tout, parce que c'est possible, l'humus, le taux d'humus dans le sol est beaucoup plus important et le sol retient complètement l'eau, se transforme en éponge et restitue cette eau en période de sécheresse beaucoup plus facilement. Et ça, ce n'est pas des techniques... qui concerne, ça c'est un autre point important, on croit parfois que c'est des trucs qui sont faits juste par un petit agriculteur bio en sandales dans son coin avec trois plants de tomates. Non, ça concerne des vraies grandes exploitations. Des grandes surfaces. Par exemple, le producteur de céréales avec lequel nous travaillons, qui est dans la région de Mâcon, et qui fait d'excellentes farines, il a plus de 120 hectares de céréales cultivées de cette façon-là et qui ne sont pas labourées. Les paysans du coin le prennent pour un dingue, mais ça marche. Donc, et ça marche à grande échelle. Donc, c'est des techniques qui sont efficaces. Tu veux rajouter quelque chose, Philippe ? Ben moi, si tu me laisses, je peux encore en faire des heures. Hein, mais... ben parce que donc, normalement, on va faire on va faire une petite pause musicale déjà. Et puis, on conclura. Et puis, si on a quelque chose d'important à dire, on le dira. Musique. Porque todos tenemos derecho a ser felices. FPP 106.3, la jungle des luttes. On continue avec Atanka, la coopérative qui distribue les produits bio et paysans. Et donc, on reprend un petit peu sur ces paysans qui font à leur manière et préservent la terre et essayent de nous offrir des bons produits. Et donc, merci à vous de les distribuer. Et donc, on répète atanka.com si vous êtes intéressé. Vous avez les petites informations sur les producteurs, comme on le disait. Et on parlait un petit peu de eux, là, comment ils procèdent. Donc, on parlait de lutter contre la sécheresse, puisque c'était l'époque d'en parler. Mais il y avait d'autres petits points importants à spécifier. Ce qu'on pouvait évoquer aussi, c'est ce problème du transport, puisque c'est un sujet qui nous est assez régulièrement soumis. L'aspect écologique. Les camions, c'est pas bien, les camions qui roulent, etc. Bon. Là-dessus, il faut dire deux choses. La première, c'est que la plupart de ces producteurs ne peuvent pas vivre s'ils ne vendent que dans un rayon de quelques kilomètres autour de chez eux. Ils ont besoin de pouvoir distribuer leurs produits sur une zone de chalandise plus importante, de toucher des consommateurs plus éloignés. Parce que quand on est perdu au fin fond du Tarn, la densité de population n'est peut-être pas la même qu'en Île-de-France, et donc il peut pas, le producteur ne peut pas vivre juste en vendant à son voisin. Quoi, hein. Donc il a bien besoin effectivement d'amener ses produits vers plus de clients. Donc voilà, c'est là qu'on intervient nous. Par contre, on essaye de le faire de façon de la plus rationnelle, écologique possible. Et la façon qu'on a trouvé de faire ça, c'est que... on est présent dans un nombre relativement limité de régions et que dans chacune de ces régions, on essaye d'avoir plusieurs producteurs avec lesquels nous travaillons. Et ces producteurs, soit se connaissent déjà, soit nous les mettons en relation. Donc il y a un petit réseau dans chaque région. Et lorsqu'on lance une commande dans la région, en fait, tous les producteurs se coordonnent. Donc il y a ce petit réseau qui se met en route et alors... un tel va mettre ses 4 cartons de produits dans son coffre et quand il fait le marché le samedi, le donne à son collègue qui se retrouve sur le marché. Donc il y a tout un petit réseau qui se met en place comme ça et en quelques jours, les produits sont rassemblés chez un seul producteur référent sur cette région et on va faire un transport uniquement chez ce producteur référent qui a tout rassemblé. Donc avec ce système, ça permet de limiter beaucoup les transports, un seul par région, et on essaye de grouper les commandes sur un rythme à peu près toutes les 3 semaines, un mois. Donc de c'est manière pour ça à qu'on ce a... qu'il y ait un peu de volume, justement. Voilà, qu'on a un système de commandes groupées, où il y a un peu de produits en stock, et sinon c'est des commandes groupées, donc il faut accepter que les choses aillent peut-être un petit peu plus lentement, c'est pas le 24 heures chrono. Quand les produits sont en stock, c'est ça, mais sinon c'est sur un rythme toutes les 3 semaines, un mois à peu près, les livraisons. Et il y a aussi même un producteur qui vient, lui, à Paris, justement. Voilà. Certains producteurs qui font de temps en temps le déplacement et viennent à Paris pour différentes raisons. Et on a notamment un producteur de viande qui vient nous apporter des caissettes de viande fraîche. C'est le seul produit frais que l'on fasse. Et à cette occasion, en fait, lui peut mettre effectivement dans son camion des produits des copains du coin. Donc... en l'occurrence, comme lui vient de Bretagne, il nous apporte la fameuse bière Saint-Rosset, mais aussi du jus de pomme, du vinaigre de cidre et des bonnes petites choses de Bretagne. Le sel aussi. Le sel, voilà. Du sel de Guérande, directement. Parce que bon, c'est vrai qu'on se demande le sel bio, du coup, tu te demandes comment ça peut ne pas être bio. Bah oui, parce qu'on réussit toujours à rajouter des choses. On arrive toujours à mettre plein de cochonneries, effectivement, des anti-agglomérants, voilà. À le nettoyer ou le rincer avec des produits. Ouais. Ça, c'est souvent, y a une obligation dans les compositions de produits de mettre les constituants du produit, mais pas forcément les produits qui ont pu être utilisés pendant la production, pour les laver, pour les rincer, pour les nettoyer, puisque c'est sale, hein, tous ces produits, il faut bien les laver, qu'il n'y ait rien qui reste dessus. Ça, on ne le met pas. Donc c'est ces produits qui sont utilisés. Pourtant, il y a des résidus après qu'on va retrouver, mais que vous ne verrez jamais indiqués sur les étiquettes. Donc chez Atanka, il n'y a pas toutes ces cochonneries. Donc voilà, si vous voulez découvrir ces produits, vous cliquez sur atanka.com. Et donc voilà, Philippe et Olivia vous accueillent. Merci à vous deux d'être venus. On aura l'occasion de se retrouver régulièrement. Hein, très certainement. À la rentrée, il y aura sûrement une journée distribution café, puisqu'en fait, la distribution qui a eu lieu le 25 juin concernait seulement le café qui venait d'une coopérative. Il y a le café d'une autre coopérative qui arrive. Donc normalement, en septembre, on devrait avoir une autre journée de distribution qui aura sûrement lieu fin septembre. Donc on aura peut-être l'occasion de vous en parler à l'antenne pour vous inviter à venir, puisqu'en général, on essaye de faire des projections et d'avoir d'autres associations, coopératives, bref, des copains autour de nous pour varier les plaisirs, donc peut-être au mois de septembre au CICP, et d'ici là sur le net, et à tout bientôt. On va normalement, si tout va bien, passer comme j'avais dit qu'on le ferait à la fin, mais finalement on va commencer par ça pour introduire un petit peu la thématique du Mexique, puisque quand même il faut toujours qu'on en parle un petit peu et régulièrement. Il se passe évidemment toujours plein de choses, beaucoup de répression, on ne cesse de le dire, mais c'est quand même depuis 2-3 ans une belle escalade. Il y a le narcotrafic et donc toute la militarisation, on a déjà eu l'occasion d'en parler, qui s'ensuit et qui en fait n'est qu'un prétexte pour militariser le pays et réprimer absolument toutes les luttes sociales dans tout le pays. Et donc il y a un grand nombre de prisonniers politiques et de disparus. Donc c'est difficile de parler des disparus puisqu'on ne sait pas où ils sont, mais en tous les cas, les prisonniers politiques font entendre leur voix. Et il y a les trois passants qui régulièrement se mobilisent sur cette cause. Et donc ils nous ont préparé un petit quelque chose sur les prisonniers de Los Icha et de la Voz de la Mate. Et ensuite on aura un copain qui nous donnera un petit peu des nouvelles sur le Mexique avant qu'on puisse parler ensuite un petit peu de Montreuil avant de se quitter. Donc voilà, c'est la petite capsule préparée par les trois passants. À tout de suite. 12 minutes. Libertad, libertad, a los presos por luchar. Without the struggle, there's nothing. There really is nothing. So we struggle on. El movimiento popular es perseguido sistemáticamente. ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! La otra campaña ha dicho claramente que si nos tocan a uno, nos tocan a todos, todos, todos, todos, todos. Depuis septembre 2008 a été lancée la campagne nationale et internationale. Primero nuestros presos. Le message de cette campagne est que chaque compagne et compagnon qui est emprisonné ne sera pas abandonné. En solidarité contre l'oubli des prisonnières et prisonniers de notre campagne, nous vous présenterons leurs histoires, leurs luttes, leurs expériences, leurs combats et leurs voix. Agustín Luna Valencia. Álvaro Sebastián Ramírez. Justino Hernández José. Mario Ambrosio Martínez. Fortino Enríquez Hernández. Eleuterio Hernández García. Prison centrale de Santa María Excotel, État Oaxaca. Zacaria Pascual García López. Prison Villa Etla, État Oaxaca. À quelques 6 heures de route au sud de la ville d'Oaxaca, la région de Los Chica est le foyer de 5000 indigènes zapotèques répartis en 32 communautés. En 1965, les caciques étaient venus s'installer à Los Chica.

106.3 FPP, la jungle des luttes. Alors on est encore ensemble, je crois, pour une vingtaine de minutes, si je le bon décompte. On va parler un petit peu du Mexique et puis on parlera peut-être un petit peu après de Montreuil. Du coup, moi j'ai pas bien suivi, j'ai pas fait le bon boulot là pour donner des infos sur le Mexique, mais toi t'es là, Julien, pour nous en parler un petit peu, t'as suivi de plus près. Ouais, c'était pour compléter, vu qu'il parlait des prisonniers, c'était pour dire que, du coup, parce qu'on en a parlé pendant longtemps, qu'il y a le 8 juillet dernier, un des 5 prisonniers de Bachajón qui a été libéré. Donc voilà. Donc il y a eu des communiqués voilà, pour remercier les mobilisations qui a pu avoir, les gens qui ont suivi, etc. Et pour dire qu'ils continuaient, enfin, à mon avis, bon, de ce qui se dégage un peu, qu'ils vont essayer d'exploiter la faille juridique pour faire libérer les autres. Et que, voilà, qu'ils demandent un peu aux gens de rester attentifs pour arriver à libérer les 4 autres prisonniers. Donc, Bachajón, juste pour un peu voilà. Situer, c'est des gens qui luttent contre un projet, enfin, pour résumer, on fait très court, qui lutte contre l'implantation d'un gros complexe touristique dans la région, ce qui demande évidemment, on est au Chiapas, ouais, dans la région des cascades d'Agua Azul, donc un site déjà touristique, mais où il n'y a pas véritablement de complexe, il n'y a pas d'hôtel, il faut aller à 50 bornes à Palenque pour avoir un hôtel, plus ou moins. Donc là, l'idée, c'est de vraiment implanter des gros hôtels et donc de déloger évidemment les communautés. Voilà, et du coup, sur place, les gens, ils continuent à se mobiliser malgré la répression qu'ils ont, à un peu dénoncer les autorités officielles qu'il y a sur place, qui, du coup, profitent un peu du rapport de force qu'elles ont réussi à faire pour continuer à justement avancer leurs intérêts là-dedans, dans ce projet écotouristique. Donc voilà, les gens, ils continuent à se bouger sur place. Et de l'autre côté, le groupe de l'autre campagne où il y a eu des prisonniers, ils continuent à lutter aussi pour les 4 prisonniers, pour les familles, etc. Voilà, et sinon, au niveau toujours de un peu l'implantation de ces projets touristiques, c'est dans un article du journal du quotidien La Jornada, donc ils tiennent un peu au courant des faits récents. Il y a eu toute une pression qui a été exercée, notamment à Tonina, qui est pas très loin de Cocingo, qui sont des ruines archéologiques aussi mayas, par les autorités de l'État et par le gouvernement mexicain, parce qu'ils voulaient lancer une grande campagne de promotion touristique du Mexique au niveau mondial, parce que donc l'année prochaine, c'est la fin du monde, comme tout le monde est censé le savoir. Et donc du coup, ils attendaient énormément de gens au Mexique pour venir fêter la fin du monde, donc au Chiapas, dans toute la région maya. Et donc, ils devaient lancer un grand plan de promotion touristique pour la fin du monde. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Pour fêter le Catun Maya, quoi, pour 2012, d'accord. Quoi. Le programme Mexique Chiapas Maya 2012, Mundo Maya 2012, ça s'appelle. Grand suicide collectif. Voilà, exact. On ne sait pas trop, mais en tout cas, bref. Et donc, ils devaient l'annoncer sur les ruines archéologiques de Tonina. Mais en fait, ils se sont aperçus qu'en fait, c'était une zone zapatiste. Et donc, ils ne savaient pas encore. Au niveau de la présidence, ouais, ils auraient peut-être oublié. Donc, ils avaient installé un cartel militaire juste à côté de ce site, ça. Justement, au moment du soulèvement. Ils disaient peut-être que c'était bon. Et puis, en fait, ils se sont aperçus qu'il y avait des panneaux zapatistes un peu dans trop tout le coin. Partout. Ça fait et des donc, ordres. Du coup, ça faisait des ordres. Alors, ils ont vu... Ils ont vu... quoi faire et puis finalement ils ont vu que ça allait être un peu trop compliqué d'enlever les panneaux à la dernière minute, ça allait provoquer des remous, donc ils ont annulé, ils ont fait le lancement du projet touristique directement à la ville de Mexico, au grand désarroi des autorités du Chiapas. Donc voilà, mais en tout cas, il y a toujours des pressions sur place par rapport à ces projets. Il y a toujours donc l'État du Chiapas qui essaie de se positionner au niveau mexicain et international comme la grande référence touristique. Et notamment, en octobre prochain, il devrait célébrer donc, le sommet mondial du tourisme d'aventure au Chiapas du 17 au 20 octobre. Donc voilà, encore un grand événement à boycotter ou à dénoncer. Voilà. Regarder de plus près. C'est ça, exactement. Ou à subvertir. Le zapatisme, c'est l'aventure politique du 21e siècle. Ce qu'il y a, c'est que leur projet, là... Enfin bon, ceci dit, il y a déjà eu des touristes amenés, on en a déjà parlé, parce que bon, forcément, ils ne peuvent pas toujours échapper, les zapatistes, à des mecs comme ça qui s'infiltrent. Donc il y a déjà eu un mec qui était guide et qui a emmené des gens dans un guide touristique où il faisait à la fois le caracol d'Ovengtik et puis l'église de Chiamula. Et il distribuait des cacahuètes aux zapatistes. Non, mais bon, il y a des petits quicks comme ça, quoi. Donc c'est du folklore, c'est sûr que ça les amuse, ça les arrange. Enfin, tant que c'est du folklore, ça les arrange. Et après, sur place, c'est toujours la même chose. Ça représente des spoliations de terre, la prolétarisation des gens sur place. Et ça, c'est quand même une grosse dynamique qui se passe et qui menace beaucoup de monde. Donc du coup, on va voir, mais en tout cas, peut-être en septembre, rebouger un peu autour de ces histoires de tourisme et de construction d'hôtels, etc., qu'il y a toujours sur place. Et puis, le troisième point un peu à évoquer, c'est qu'il y a une augmentation, des violences et des agressions d'ordre paramilitaire contre les zapatistes. Et ça, c'est quelque chose. Enfin, il y a eu plusieurs communiqués de junta zapatiste, donc de communes autonomes, pour dénoncer les. Alors, à un coup, c'était des personnes qui ont été séquestrées, des zapatistes qui ont été séquestrés, qui ont été tabassés, torturés. À un coup, c'était des spoliations de terres. Un autre coup, c'est des gens qui ont dû fuir à un moment donné dans une région, là, qui sont de nouveau menacés d'expulsion des zapatistes, dans la région de Chilon, pareil. Donc du coup, par rapport à la situation, il y a un réseau mexicain qui s'appelle Réseau de solidarité contre la répression, qui lance de nouveau un appel début juillet par rapport à l'augmentation, l'escalade des violences paramilitaires, pour dénoncer ça, pour dire d'être attentif à la situation sur place et notamment à une organisation qui s'appelle la ORCAO, Organisation Régionale des Caféiculteurs d'Ocosingo, donc qui se voit en fait attribuer les terres légalement, ils se voient attribuer des terres qui ont été récupérées par les zapatistes en 94 en fait. Donc du coup, ça provoque des affrontements à l'intérieur entre les zapatistes qui se réclament de la légitimité de 94 et cette organisation qui utilise les titres juridiques qu'elle a eu du gouvernement pour dire que ces terres, elles sont les leurs. Donc du coup, un contexte qui est toujours un peu dur. Voilà, c'était un peu les nouvelles et en tout cas, c'est bien de rester un peu attentif, de rediffuser l'information pour ceux qui vont sur le site ou qui reçoivent les informations en français et qui peuvent les faire circuler. C'est aussi à ça. Le site, on en profite pour dire que c'est cspcl.ouvaton.org. Donc vous pouvez le consulter pour avoir des infos, donc, comme le disait Edwin, et éventuellement aussi le calendrier de nos activités. Donc évidemment, on vous attend plutôt en septembre, parce que là, c'est un petit peu Paris déserté. Il n'y a plus grand monde, pas mal sont partis. Mais dès septembre, on sera sur le site et sur les listes d'informations, etc. C'est bien en fait qu'elles sortent un peu, que ça reste pas bloqué dans un milieu. Donc bon, après, c'est aux gens, en fonction de ce qu'ils trouvent intéressant, de pas hésiter à le faire circuler en tout cas. Voilà pour le Mexique. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait une pause musicale, il nous restera plus beaucoup de temps après, mais on aura le temps de quand même évoquer ce qui se passe à Montreuil. Donc dernière petite pause musicale avant qu'on se quitte. 4 hijos tengo otra niña que tiene 7 y tengo un mío que tiene 5 años. Vienen las redadas y las separaciones de familias. El gobierno federal frene las redadas. Nosotros no podemos esperar porque nuestra familia está sufriendo. Es una cárcel, es una cárcel de sueño. Que me hace llorar, que me hace llorar. Es una cárcel, es una cárcel de sueño. Que me hace llorar, que me hace llorar. El mundo es grande a la misma vez pequeño. Sigo viviendo encerrado en este sueño. Mi hija me inspira, me brinda fortaleza. Cuando no puedo y me invade la tristeza. Cuánto extraño ver a mi madre. Siento que soy de su mal ser el culpable. 60 años que tiene ya. Una década más que se nos va. Yo sigo aquí sin poder salir. La jaula de oro no deja sonreír. Me parte el alma ver a mi esposa. Que no pueda abrazar su mamá Rosa. Viviendo en la rutina, trabaja en la cocina de un restaurante que la raza discrimina. Le pagan poco, pues no tiene papeles. Me hacen lo mismo en mi trabajo, gente crueles. Es una cárcel, es una cárcel de sueño. Que me hace llorar, que me hace llorar. Es una cárcel, es una cárcel de sueño. Nada te prepara para la realidad. No hay una luz, pesta oscuridad. La igualdad en este mundo no existe. Todo tiene precio, la verdad es cruel y triste. Es cierto, el dolor te hace más fuerte. Pero todos los sueños mueren lentamente. Donde hubo dolor, queda una herida. Y el tiempo amargo nunca se te olvida. Toda mi familia se encuentra ya a pedazos. Pues este gobierno me la quitó de los brazos. No sé qué es peor, la soledad o la pobreza. Me siento acorralado, me invade la tristeza. Son crueles, inmoral, todas estas leyes. Te cierran el mundo por unos simples papeles. De esa pesadilla quiero despertarme. Sigo luchando, no soy ningún cobarde. Es una cárcel, es una cárcel de sueño. Que me hace llorar, que me hace llorar. Es una cárcel, es una cárcel de sueño. Que me hace llorar, que me hace llorar. Una cárcel de sueños es lo que está viviendo nuestra gente ahorita. Atacándonos con leyes que no tienen sentido. Pero hay que seguir luchando para que nuestros hijos salgan triunfadores, porque no hay peor lucha que la que no se hace. Aquí siempre estará Quinto Sol poniendo su grano de arena en este mar de injusticias. Es una cárcel, es una cárcel de sueño. Que me hace llorar, que me hace llorar. Es una cárcel, es una cárcel de sueño. Que me hace llorar, que me hace llorar. Un 6.3, FPP, la jungle des luttes, on finit sur Montreuil. Sur Montreuil et sur la rôtisserie, enfin sur les expulsions donc, ou les menaces d'expulsion. Voilà, pour dire que là on est en été, que l'été c'est pas une bonne période pour les gens qui sont menacés d'expulsion comme chaque année, parce que c'est le moment des vacances où il n'y a personne et donc c'est beaucoup plus facile. Donc la première information, bah, ça, parce que ça concerne tout de suite plein de monde, à la fois du comité, tu n'as pas assez de des gens un peu qui peuvent tourner autour de FPP plus généralement, c'est la rôtisserie qui est menacée d'expulsion. Et donc là en août en fait il faut qu'ils occupent leur plage horaire chaque jour, il faut qu'il y ait au moins une personne à la rôtisserie. Parce que si le propriétaire qui essaie de les virer donc pour faire un local à la location, enfin bon bref, pour jarter le restaurant associatif et faire un truc plus rentable. Donc s'il constate qu'il n'y a personne un jour d'août, il peut dire que les lieux ont été abandonnés et délaissés et donc en profiter. Donc pour faire un... Enfin, au niveau juridique, voilà, ça permettrait leur expulsion. S'ils passent et qu'il y a quelqu'un, du coup, ils sont obligés de faire une autre procédure juridique. Donc, voilà. Donc, eux faisaient appel à ça, donc la rôtisserie, à ce que les personnes... je pense qu'il faut aller sur le site et suivre un peu, mais il va y avoir une grille de présence, etc. Enfin, voilà, il va y avoir des trous, ceux qui sont là en août... qu'ils n'hésitent pas à essayer d'appeler la rôtisserie. J'ai pas le numéro, mais là sous la main. Mais en tout cas, il faut. Ça se trouve. Enfin voilà, c'est assez important pour eux et pour nous du coup, vu qu'on a un certain nombre à faire des bouffes de soutien. Et donc puis... oui, ça s'adresse surtout justement aux associations, vu qu'il y a un bon nombre d'associations qui adhèrent au projet de la rôtisserie et qui se mobilisent pas. Tous beaucoup, et là en août il faudrait que... C'est ça, ouais. Si la grille, en fait, vraiment s'il y a une personne au moins chaque jour, c'est bon pour eux, ils sont sûrs de tenir jusqu'à septembre, octobre. Ce qui serait dommage, c'est qu'il y ait un jour en fait où il n'y ait personne et que ça s'entraîne la fin du projet. Donc voilà, juste être attentif à ça. De toute façon, ils ont une liste de diffusion et ils ont un site, en tout cas d'être attentif à ça. Voilà, et puis sinon sur... Montreuil, bon bah voilà, je crois qu'on en avait un tout petit peu parlé. En tout cas, il y a plus de 300 personnes qui sont menacées d'expulsion vers Robespierre, au Saurin, donc qui se mobilisent depuis maintenant plus de 2 mois. Et voilà, plusieurs autres maisons qui sont menacées d'expulsion, dont une maison qui se trouve au 234 rue de Rony avec 10 personnes qui vivent à l'intérieur, qui sont en combat contre. Une multinationale qui s'appelle Proud Reed Quartz Properties. Voilà, et donc eux, ils se bougent aussi. Et donc, bah, pareil, fin de juillet, août, c'est toujours les moments de menaces d'expulsion. Donc là, il y a eu des rassemblements en juillet, etc. Il y a eu des manifestations fin juin avec des centaines de personnes. C'est bien d'être toujours aussi attentif à ce qui se passe et de rediffuser si vous voyez des messages passer, parce que c'est ça qui va déterminer aussi les possibilités de rapport de force. Le cas échéant, si l'information elle circule. Et donc, voilà, il faut un rassemblement mercredi à Montreuil. Donc voilà, près du 234 rue de Rony, mercredi à 18h. Et puis voilà, si vous voyez des messages sur internet parler de ça, restez attentif. Pareil, on est sur menace d'expulsion pour pas mal de monde. Voilà, on est à la fin de l'émission. Voilà, il reste que quelques secondes. On vous remercie tous. Donc Montreuil, mercredi 18h à Tanka, et le CSPCL tous les mercredis soirs à 20h30. Salut à septembre. Ciao, bon été.